Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Simuler l'univers, allumer des étoiles et fabriquer des mini-planètes en laboratoire n'a plus rien d'un fantasme. C'est même un exploit rendu possible par l'émergence de nouveaux outils comme les lasers de puissance et la mise à disposition des chercheurs de formidables puissances de calcul. Jean-Marc Benébideau, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et en 2010-2011 dans la banlieue de Bordeaux au sein d'une gigantesque installation du CEA, le laser mégajoule pourra, en tout cas l'espace d'une fraction de seconde, porter à la température de 100 millions de degrés une petite sphère. Alors 100 millions de degrés, c'est une réaction de fusion nucléaire. On va pouvoir créer de mini étoiles. Oui, très brièvement, comme vous l'avez rappelé, évidemment, parce qu'il s'agira de quelque chose qui va exister le temps de 1 milliardième de seconde, mais qui effectivement atteindra la température de 100 millions de degrés, qui est plus que la température de l'intérieur du Soleil, qui générera donc une bulle de plasma, et cette bulle va s'étendre et sera surveillée par environ 2000 caméras, et on enregistrera comme cela, évidemment, l'évolution de conditions physiques extrêmes qui n'ont pour l'instant jamais été atteintes sur Terre. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette installation? Parce que imaginez qu'avec des lasers, on atteigne une température de 100 millions de degrés sur une cible, c'est un peu difficile à imaginer. À quoi ça va ressembler et comment sera réalisée les expériences? Alors, c'est une très grosse expérience. Il faut d'ailleurs rappeler qu'elle a été conçue a priori pour simuler les explosions thermonucléaires d'armes atomiques. Donc, c'est la simulation numérique qu'on envisage de faire après pour éviter de faire les tirs dans l'atmosphère ou les tirs souterrains. Donc, c'est une très, très grosse expérience. Le bâtiment lui-même fait plus de 300 mètres de long, c'est-à-dire qu'on pourrait y loger la tour Eiffel. Et elle est munie de pas moins de 240 faisceaux laser qui vont tous converger sur une toute petite bille de 2 mm de diamètre. Alors, l'enjeu là, effectivement, d'abord on utilise des lasers. Alors on va se demander pourquoi le laser. Eh bien, le laser, c'est une propriété particulière de la lumière. On l'a découvert assez tardivement, en 1960, c'est quand même pas une découverte, mais elle a évidemment révolutionné tout notre univers quotidien. On part de laser disque, puisque c'est le laser qui va explorer la surface du disque dans lequel est gravée la musique. On parle du laser Lune, qui mesure la distance de la Terre à la Lune au centimètre près. Et pourquoi le laser? Parce que le laser est une lumière de type très particulier. C'est une lumière stimulée, c'est-à-dire qui met en quelque sorte les grains de lumière en ordre. Il les met en fait comme une armée en ligne droite, si vous voulez. Et donc, en fait, ils se comportent tous de la même façon. Et donc, un comportement et donc une espèce de discipline dans leur propagation qui fait qu'effectivement, un pinceau laser, ça n'est pas un pinceau de lumière ordinaire. Un pinceau laser, c'est un pinceau très, très fin qu'on peut garder très, très fin et faire se propager à de très longues distances tout en gardant cette finesse et cette concentration de la lumière. C'est cette propriété qui est utilisée dans le laser mégajoule, puisque ces 240 faisceaux qui vont être additionnés vont tous converger en ayant parcouru des distances de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, puisque au préalable, il faut les amplifier. Pour atteindre cette fameuse énergie, on parle de mégajoules. Le laser s'appelle le laser mégajoule, puisque effectivement, en bout de course, l'énergie dispensée sera l'ordre du mégajoule. Alors, le mégajoule, on ne sait pas très bien ce que c'est. Hein. Alors, ce n'est pas si énorme que ça, si on veut bien regarder. Le mégajoule, c'est environ 500 grammes d'explosifs de type TNT. En énergie. Sauf que, à la différence de l'explosif ordinaire, qui va se disperser dans l'espace en quelques secondes, quelques dizaines de secondes, là, on est capable de la libérer en un milliardième de seconde. Et là, cette fois-ci, donc, la puissance, puisqu'on parle d'énergie pour, effectivement, la quantité transportée d'énergie, et on parle de puissance en fonction du temps dans lequel elle est libérée, alors cette puissance atteint, de ce qu'on appelle dans notre jargon des terawatts, voire des pétawatts, c'est des petites unités de très grande dimension, ce sont des milliards de kilowatts. Et en fait, finalement, la puissance rayonnée pendant ce court intervalle de temps sera équivalent à l'énergie électrique d'un pays tout entier. Mais évidemment, en un milliardième de seconde. Alors, la victime, ou en tout cas le centre de l'expérience, est une petite boule? Voilà, une toute petite bille qui contient un matériau fusionnable. En l'occurrence, ce sont des éléments très proches de l'hydrogène, on appelle les isotopes de l'hydrogène, le tritium et le deutérium, qui vont donc, alors par un dispositif assez compliqué, c'est en fait encapsulé dans un petit cylindre d'or, qui va donc réfléchir les rayons laser qui vont arriver et qui vont effectivement être une espèce de concentration de lumière qui va être focalisée, puisque le laser, c'est une lumière, donc elle peut être focalisée très précisément vers le centre de cette petite bille, et la pression de la lumière va être telle qu'elle va concentrer, écraser, si on peut dire, les éléments tritium, deutérium, pour jusqu'à les faire fusionner. Exactement le même processus qui se passe dans une bombe thermonucléaire. Donc c'est une micro-explosion thermonucléaire. Seulement, à la différence effectivement des explosions d'armes atomiques, il s'agira là de 0,1 mg de matière qui deviendra radioactive, mais très faiblement radioactive vu la faible quantité d'éléments qui sont mis en jeu. Mais c'est cette fusion thermonucléaire contrôlée, on pourrait dire, mais évidemment très, très brève, qui est la source d'énergie de ce plasma très chaud à 100 millions de degrés, qui est évidemment l'expérience physique que veulent réaliser des astrophysiciens, c'est d'utiliser ce plasma très chaud. Alors, dans cette utilisation civile du laser mégajoule pour recréer une réaction de fusion dont on comprend bien qu'elle est la même qui se passe à l'intérieur des étoiles, comment peut-on simuler, ou en tout cas on l'a compris quand même aussi avec la température et les densités, mais comment crée-t-on une mini-étoile et que choisit-on comme matériaux pour le faire ? Eh bien, on peut varier effectivement les matériaux. On pourrait aussi, semble-t-il, varier la géométrie des cibles et donc déclencher des mouvements de gaz très chaud, hein, donc de ces centaines de millions de degrés, de différentes natures. Et c'est ce qui, en fait, dans un premier temps, notamment, disons du point de vue de l'astrophysique, si on veut déjà citer un exemple important, c'est l'explosion des étoiles, ce qu'on appelle les supernovas. Et donc ces explosions, on a une idée qu'elles ne se passent pas toujours de façon très très homogène, c'est-à-dire que l'explosion d'être finalement, au lieu de répartir très uniformément la matière dans l'espace, en fait a tendance à envoyer une quantité de matière importante avant une quantité de matière moins dense, et on veut comprendre ce qu'on appelle nous en notre jargon des instabilités, hein, des instabilités physiques qui font que effectivement l'explosion se passe de façon comme un bouillonnement. On voudrait reproduire le bouillonnement par exemple de l'explosion des étoiles. Alors, qu'est-ce qui, dans le domaine stellaire, n'est pas compris des astrophysiciens qui nécessitent justement ce type d'expérience entre la naissance et la mort d'une étoile ? Il y a beaucoup de phénomènes qui sont inconnus encore. Oui, on va donc donner deux applications. Enfin, chaque fois qu'on va avoir besoin de se demander comment se comporte la matière à très haute température ou à très haute densité, puisque les deux vont être atteintes dans cette expérience-là, à ce moment-là, la seule expérience possible est le laser mégajoule. Parce qu'évidemment, on n'a aucun élément autre que le... Alors, il y a effectivement les tokamaks qui sont effectivement des processus de confinement par champ magnétique, mais eux, ils ont la très grande désavantage d'introduire le champ magnétique dans l'affaire, alors que finalement, on aimerait mieux avoir un gaz sans trop d'effet parasite. Et donc, en fait, ce sont... À chaque fois qu'on va se poser la question comment on peut simuler sur Terre un milieu à très haute température ou à haute densité, qu'on va s'adresser au laser mégajoule, et ça résout quoi comme problème ? Ça résout, par exemple, effectivement, ces explosions d'étoiles dont je parle, puisque c'est un cœur d'étoiles à la fois dense et chaud qui explose. Ça résout la matière qui circule autour du trou noir, parce qu'en s'accumulant autour du trou noir, elle atteint des densités élevées. Et là, elle va rayonner d'une certaine façon en fonction de sa densité. Ça atteint même les intérieurs des planètes, parce que là, la densité est aussi élevée. Et effectivement, on rappellera qu'on ne sait toujours pas si l'intérieur des planètes est solide ou liquide. Par exemple, dans le cas de la Terre, le cœur de fer, est-il solide ou est-il liquide ? On ne connaît pas encore la réponse. Et ça dépend des caractéristiques physiques de la matière et de son comportement à haute densité. On pourrait citer beaucoup d'exemples de cette sorte qui sont effectivement en partie résolus par le laser mégajoule. Il faut quand même être prudent. L'expérience, elle dure un milliardième de seconde. Enfin, disons qu'il y a après une étude très rapide de l'expansion, mais c'est quand même très très peu de temps. C'est pour ça qu'on en a mis 2000 caméras, il y a 100 hublots, la chambre elle-même fait 10 mètres de diamètre, enfin, c'est quelque chose, elle fait 140 tonnes. Enfin, c'est une très très grosse expérience. Mais malencontreusement, le temps d'observation est très court, puisque l'événement lui-même est très court. Mais que les choses soient claires, il ne s'agit pas de faire vivre une mini-étoile en laboratoire, il s'agit de recréer des phénomènes et regarder le comportement de la matière à ce moment-là. Voilà, malheureusement pour nous, effectivement, alors au début de l'explosion, elle est à trop haute densité, très forte température, puis très vite, évidemment, la température de la densité par l'expansion du plasma qui va être là va décroître et on se retrouvera évidemment avec une matière ordinaire à la fin. Et donc, d'une certaine façon, c'est que le début de l'évolution qui intéresse notamment les astrophysiciens. Une de vos préoccupations, c'est la façon dont naissent les étoiles, parce que dans des nuages de gaz où la matière se concentre pour aboutir à la formation d'une étoile, entre cette idée de gaz initial et la formation d'une étoile, il y a des tas d'étapes qui sont pas compliquées, enfin qui sont compliquées, qui sont pas connues, quoi, en tout cas. Oui, parce qu'on pensait jusqu'à dernièrement que tout était fait par la gravitation, c'est-à-dire qu'on prenait une grande bulle de gaz et puis la gravitation, qu'une force d'attraction faisait tout se concentrer au centre, et puis que très tranquillement naissait au centre une belle étoile comme le Soleil et d'autres. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la gravitation qui intervient, puisqu'on s'aperçoit que plus on observe les étoiles jeunes, plus on observe autour d'elles des grands jets de matière. Et en fait, l'idée qu'on en a à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, on part d'une grande masse de gaz, un grand nuage de gaz, d'hydrogène, qui va être effectivement lentement contracté par la gravitation, mais il se déclenche à un moment donné, effectivement, une instabilité, quelque chose qui est responsable d'une éjection de matière, et que finalement, l'étoile qui se forme va consommer, disons, 1% ou quelques pourcents du nuage initial, et que la grande partie du nuage est réinjectée dans l'univers, en fait, avant même d'avoir formé l'étoile. En fait, c'est tout au moins cette image un peu simplifiée que je vous donne, qui est là une des découvertes relativement récentes, c'est-à-dire que l'étoile ne se forme jamais tranquillement, en simplement se concentrant lentement. Elle est accompagnée de ces phénomènes physiques complexes dont on n'a pas encore compris la source. Est-ce que c'est la rotation du nuage qui produit ça? Est-ce que c'est effectivement éventuellement des champs magnétiques? En tout cas, c'est effectivement déjà le début d'une matière qui commence à se densifier. Est-ce qu'effectivement la réponse sera dans le laser mégajoule? En tout cas, c'est une étude qui sera entreprise. Alors, ce qu'on appelle l'astrophysique de laboratoire, Jean-Marc Bonnet-Bideau, ça a démarré dans les années 90, hein, l'idée de faire ces simulations. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est la capacité des ordinateurs par plus de puissance, plus d'éléments de stockage de données, les logiciels? Est-ce que les outils qui apparaissent aujourd'hui sont plus performants pour permettre ce développement d'astrophysique de laboratoire? Ben oui, les deux. On voit bien qu'effectivement, l'astrophysique jusqu'à maintenant n'était pas une science expérimentale. C'est-à-dire qu'une science expérimentale, c'est faire une expérience et la reproduire, la refaire jusqu'à ce qu'on ait un résultat concluant et dit reproductible. C'est ça la méthode expérimentale. Or, l'astrophysique n'est pas expérimentale. On n'a pas le moyen de ramener une étoile en laboratoire. On n'a pas le moyen de répéter des phénomènes qui se passent à l'échelle du cosmos la plupart du temps. Et donc, il fallait donc passer par quelque chose. Et en fait, on a actuellement deux voies. Une des voies, c'est de faire ramener l'univers en laboratoire, c'est-à-dire effectivement, c'est le laser mégajoule, très brièvement ou dans des conditions très précises, reproduire en partie certaines conditions physiques qu'on trouve dans le cosmos. Et puis l'autre aspect, c'est en fait reproduire l'univers en calculateur, en ordinateur. Et ça, c'est le deuxième aspect, effectivement, de la façon dont on fait de l'astrophysique à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la simulation numérique. Alors, c'est ce deuxième morceau-là qui nous intéresse évidemment, l'univers en simulation numérique. Est-ce que ça consiste à recréer un univers virtuel complet, ou est-ce qu'on simule de façon numérique quelques phénomènes, comme finalement on placerait un morceau de matière au centre du tir de faisceau de laser? Comment ça procède? Ça procède un peu différemment. Ça procède toujours à partir d'équations physiques. Alors, si vous voulez, on va dire, dès qu'on fait en simulation numérique, on va dire on fait un univers virtuel. Un univers virtuel, c'est ce qu'on a tous sous les yeux quand on fait un jeu vidéo, on a un personnage virtuel. Mais il faut savoir, y compris dans les jeux vidéo, effectivement, ce sont basés sur des équations très précises. Pour faire un jeu vidéo, on prend un comédien, on lui fait faire un geste, on enregistre son geste et on fait calculer ensuite à la machine un enchaînement de mouvements qui va créer en fait un être complètement autonome. Et donc à la base, c'est toujours des calculs et des équations. Ça n'est pas non plus quelque chose comme ça qui sort du chapeau ou de l'intérieur d'une machine. Et la difficulté qu'on a en astrophysique, c'est que les phénomènes sont très variés et très complexes, et c'est de rentrer toutes ces équations de façon correcte. Mais alors, on est quand même sauvé par une chose, et notamment quand on parle de l'évolution de l'univers, dans ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire l'histoire de l'univers, c'est qu'en grande partie, la seule force qui a l'action dominante, c'est la gravitation. Donc on a affaire à une seule force, globalement. Malencontreusement, cette force, effectivement, est une des plus difficiles à décrire dans l'ordinateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on connaît tous la loi Newton. La loi Newton nous apprend comment deux masses s'attirent. Et on a une très belle équation, l'équation de Newton. Mais si vous mettez un troisième corps, il n'y a plus d'équation pour décrire l'attraction que subit le troisième corps par rapport aux deux autres. Il n'y a pas d'équation que vous pouvez écrire. C'est ce qu'on appelle le problème des trois corps. Ce problème n'a jamais été résolu. On ne peut pas écrire une équation pour le décrire. Et donc, on est ramené à un problème simple. C'est faire le calcul et puis laisser passer un peu de temps, bouger les masses et refaire le calcul un peu plus tard et continuer comme ça indéfiniment. Et il a évidemment, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire ce calcul avec beaucoup de nombre d'opérations. Et grâce au supercalculateur, on peut maintenant mettre à la fois beaucoup de particules ensemble, calculer à chaque fois l'interaction avec les... Par exemple, si on en met un milliard avec le milliard moins la particule, chaque particule calculée, et puis faire évoluer dans le temps et voir ce qui se passe. Et c'est ça que font les simulations numériques sur ordinateur quand elles simulent l'univers. Et il faut pour ça, effectivement, faire des milliards d'opérations par seconde, ce que permettent aujourd'hui les supercalculateurs. Une série d'images dont chaque image est comme un film, hein, c'est-à-dire qu'elle change à chaque fois de façon imperceptible, mais elle change. Ça n'est que ça. Quand je dis ça n'est que ça, c'est très compliqué à faire. Parce que quand vous avez quelque chose dans l'univers, par exemple, l'univers au départ est très homogène, c'est très facile, vous prenez n'importe quel endroit, il se comporte de la même façon. Mais supposez qu'apparaisse une galaxie tout d'un coup, apparaisse quelque chose qui s'est déjà concentré. À ce moment-là, vous avez une très petite dimension à étudier. Et donc, il faut en quelque sorte adapter ces images en fonction de la dimension des objets qui y apparaissent. Et c'est des méthodes numériques très très compliquées. C'est principalement de la mathématique, ce qu'on appelle les algorithmes qui font ces méthodes-là. Alors là aussi, c'est pas sorti d'un chapeau tout casqué, hein. Ça a démarré dans les années 70 avec les gros ordinateurs, les premières simulations concernaient les galaxies et la façon dont les galaxies étaient en interactivité les unes avec les autres, les formes qu'elles prenaient. Il y a déjà des résultats depuis longtemps. Depuis à peu près les années 70, effectivement, à partir du moment où les calculateurs ont été effectivement un peu plus performants. Simplement, maintenant, telles qu'on les regarde à l'heure actuelle, elles étaient extrêmement simplistes. Mais néanmoins, elles donnaient des résultats parfois. Mais on mettait, par exemple, quelques centaines de particules qu'on laissait évoluer sur quelques centaines de millions d'années, enfin quelque chose comme ça. Mais c'était déjà beaucoup. On voyait comme ça se développer notamment tout le monde, peut-être effectivement des images qu'on a souvent vues de collisions de galaxies qui rentrent l'une dans l'autre et qui ressortent et on voit la forme qu'elles ont à l'issue de cette... Et ça marchait assez bien puisqu'on voyait que dans l'univers, on observait effectivement des galaxies à la fois de la forme de spirale auparavant, avant la collision, et ensuite après collision, on voit qu'elles étaient enchevêtrées. Donc c'est des images qui sont restées célèbres parce qu'elles avaient très bien réussi à reproduire ça. Mais effectivement, on était encore très loin du compte. Et il faut juste, je crois que maintenant, on a franchi le cap nécessaire pour décemment espérer pouvoir simuler une fraction d'univers. En fait, c'est ça l'actualité de ces dernières années, mais tout dernier mois, puisque les ordinateurs montent en puissance continuellement. On est enfin à même de traiter un cube d'univers, disons, de dimensions respectables. Alors aujourd'hui, Jean-Marc Bonibideau, dans un univers virtuel où les étoiles ont été transformées en pixels et où la quantité d'équations présentes dans ces modèles font bouger l'univers dans son ensemble, il y a une grande révolution qui se pointe, ce sont des découvertes simulées. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans les publications scientifiques des découvertes annoncées, mais qui sont réalisés sur des simulateurs. S'agit-il de vraies, entre guillemets, découvertes ? Elles peuvent-elles être confrontées avec la réalité physique de ce qui se passe dans l'univers ? C'est forcément le but. Une image virtuelle, si elle reste virtuelle, n'aura aucune valeur. Elle ne deviendra probable, plausible, que si elle est confrontée à une image réelle et qu'elle en décrit assez finement les détails. Ça, c'est l'enjeu, évidemment, de toutes ces simulations. Néanmoins, le jeu, c'est que on peut arriver avec différents types d'équations à un même résultat, à une même image, par exemple. Et donc, effectivement, pour qualifier les équations qui sont entrées dedans et dire, évidemment, c'est bien ce processus physique qui est responsable de la forme d'une galaxie ou de la collision, il faut effectivement s'assurer qu'il n'y a pas d'autres processus physiques qui peuvent donner le même résultat. Il y a cet aspect-là d'abord, et ensuite le deuxième aspect qui devient très complexe, c'est ces équations, ces algorithmes sont si compliqués, on emploie des méthodes pour évidemment aller plus vite et prendre des raccourcis, parce que quand je vous ai décrit les milliards de particules qu'il faut faire évoluer pendant un million d'années, vous imaginez bien qu'on prend de temps en temps des raccourcis quand on pense qu'il ne s'est rien passé entre deux intervalles de temps, on va un peu plus vite. Ces raccourcis sont des espèces de recettes de cuisine, on pourrait dire des physiciens, mais il faut quand même être sûr qu'ils sont valables. Et à l'heure actuelle, on assiste à une émergence d'une nouvelle discipline, on pourrait dire, c'est qu'on confronte quand on se pose un problème physique, c'est le cas d'ailleurs d'une dernière expérience qui vient de se passer, effectivement, on a voulu simuler le début de l'univers, on s'est dit, mais écoutez, on va mettre deux codes, on appelle ça des codes numériques, c'est-à-dire des programmes informatiques qui sont capables de simuler. On va leur donner les mêmes conditions initiales, on va leur dire, voilà, vous avez l'univers à tel endroit, il est fait de telle sorte, et après, on va les laisser calculer, et on vérifiera que leurs résultats sont dits compatibles, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas arriver à deux choses complètement différentes. On est obligé de faire ça parce qu'une seule méthode numérique n'est pas garantie sans défaut, sans erreur. Donc en fait, c'est très compliqué, de valider l'information qui sort d'une simulation. Alors en ce moment même, il y a plusieurs simulations et grandes simulations d'univers qui sont en cours. Il y a une grande simulation qui s'appelle Millennium et qui a démarré en 2004 par un consortium international qui s'appelle Virgo. Il y a un programme français qui s'appelle le programme Horizon qui lui intègre la matière visible en plus de la matière sombre imaginée à l'origine par le programme Millennium. Ce sont des programmes dont la communauté attend beaucoup. Oui, bien sûr, évidemment. C'est parce que pour la première fois, on est en passe de pouvoir, en dehors de la gravitation, comme je le rappelais, qui est même la force la dominante, d'introduire des phénomènes qu'on peut appeler parasites pour la gravitation. Parce que, par exemple, quand une étoile explose, eh bien, elle fait le travail inverse de la gravitation. Au lieu de concentrer la matière, elle l'expulse. Et donc, si à côté, effectivement, il y a une étoile en train de se former, elle aura une interaction. Donc, on ne peut plus traiter seulement la gravitation, puisqu'on sait que naissent des structures qui perturbent notablement l'environnement autour d'elle, par exemple des explosions d'étoiles. Et donc, on est obligé d'introduire ces équations nouvelles qui vont décrire ces phénomènes-là, et c'est beaucoup plus complexe encore que la gravitation. Quelle est l'échelle de ces mondes virtuels ? Est-ce qu'ils cherchent à définir l'histoire de l'univers depuis les premières observations, en quelque sorte, dans la théorie du Big Bang, de la naissance, entre guillemets, de l'univers jusqu'à son évolution actuelle, ou les interactions entre galaxies, voire étoiles sur le plan local ? Est-ce que ce sont des simulations compatibles ou ce sont des niveaux, des échelles complètement différentes ? Ce sont des échelles complètement différentes, mais qui parfois peuvent être traitées par les mêmes méthodes numériques. C'est ça qui est intéressant dans ces simulations. Ce sont un peu des équations assez générales. Alors, bien sûr, celle qui attire le plus l'attention à l'heure actuelle, parce que c'est pratiquement que comme ça qu'on pourra obtenir la réponse, c'est celle qui concerne l'évolution de l'univers. Partir du début et laisser évoluer et voir si on arrive aux galaxies. Ce sont les grandes simulations cosmologiques qui sont effectivement en cours dans ces grands programmes que vous citiez. Et évidemment, elles mettent beaucoup de temps. On vient de faire une simulation qui a duré plus d'une semaine de la plus grosse machine européenne disponible qui s'appelle Mare Nostrum, qui est à Barcelone. Et il faudra encore répéter ça plusieurs semaines définitivement pour avoir un espoir de se rapprocher du milieu de l'âge de l'univers. C'est-à-dire qu'on a commencé du début, on est à peu près à 1,5 milliard d'années après le début de l'univers homogène. On est encore très loin, puisque l'univers a 12 milliards d'années d'arriver à notre univers actuel. Et il faudra encore des semaines et des semaines de calcul. Mais c'est en train, et on espère quand même arriver à quelque chose qui soit comparable à ce qu'on observe. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochaines années, on sera capable de simuler tout l'univers ? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est le jeu, puisque en fait, pour partie, on veut en fait, partant du début, arriver à l'univers actuel, alors que finalement, par l'observation, on fait l'inverse. On part de l'univers actuel et on remonte vers le début. Et évidemment, au moment où on aura le recouvrement, et c'est ça qu'on n'a pas encore, ce recouvrement, s'il s'avère cohérent et évidemment convaincant, on pourra se dire, eh bien évidemment, on a même les bonnes équations et on aura donc toute l'évolution de l'univers, même celui qu'on n'a pas atteint par l'observation. Merci Jean-Marc Bonnet-Bideau. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode.